Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 7 janvier 2019. En seul grand titre dans cette édition spéciale que la rédaction a consacrée à la fabrication clandestine et à la consommation du jus que certains appellent fangas ou gingembre pour d'autres, des consommateurs rencontrés à Gahahé, en zone rurale de la commune Moutimbouzi, affirment en avoir été malades. Leur témoignage donne froid au dos, mais l'autorité publique ne semble pas en être alertée outre mesure. On fait le point dans ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, je venais de vous le dire, les consommateurs du jus de type fangas, appelé aussi gingembre, sur la colline Gahahé de la zone Rubirizi en commune Moutimbouzi de la province Bujumbura, affirment qu'ils ont été rendus malades par cette boisson. Ils pensent que la cause serait surtout la matière première de ce produit, dont des viscères de différents animaux. Ils demandent aux instances habilitées de suivre de près la fabrication de cette boisson. Eli Nibel Nibigira, reportage. Ce petit déjeuner dont parlent les habitants de la colline Gahahé, en zone Rubirizi, c'est le jus de type fungus dont ils avaient l'habitude de consommer. Ils affirment qu'ils prenaient ce jus matin et soir, mais les choses ont mal tourné. Ils ont par après commencé à sentir des douleurs abdominales. Parmi eux, figurent des désespérés qui craignent qu'ils vont bientôt mourir. Nous avons pris ce jus et je vais mourir très prochainement. Le premier jour où j'ai commencé à prendre soji, ça faisait des semaines. J'ai commencé à avoir des douleurs abdominales, juste en dessous du nombril. Parce que nous tous, parmi les consommateurs de fangas, personne n'a résisté à la maladie. Ces habitants disent être préoccupés par la matière servant de fabrication des jus, fungus, dont des viscères pourris, affirmait-ils. Nous pensions qu'il s'agissait d'autres maladies, alors que ce sont ces fangas. Quand nous l'avons aussi lors de leur saisie, nous avons compris que c'était ces fangas qui étaient la cause de ces douleurs abdominales. On soupçonnait d'autres choses alors qu'il s'agissait de ces fangas. Le fangas, c'était notre petit déjeuner, le souper, et c'était notre boisson préférée pendant la soirée quand on se reposait, quand on se repose. On a plus tard découvert via nos amis qui sont fabriqués à partir de gingembre, mais aussi des viscères pourris. L'ancien fabricant de ces jus dits fungus, témoignent les habitants de la colline Gahahé, avait déménagé environ deux fois. Comme confirmé par les consommateurs de fungus, une bouteille de ces jus coûtait 500 francs burundais, mais la grande bouteille d'eau de marque Kinju s'achetait à 1000 francs burundais. Ces habitants appellent les forces de sécurité à prendre en main la fabrication de cette boisson dite fungus. Aujourd'hui, tout jus de marque fungus, même pour tous les fabricants de fungus non piratés, il est dit que c'est très dangereux. C'est un fléau qui va détruire les vies humaines. Il faut que les forces de sécurité combattent les fabricants de ces jus et les habitants auront une bonne santé. À côté de ces éléments de sécurité, les habitants de la colline Gahahé, en zone rurale de la province Bujumbura, demandent à toutes les instances concernées de contrôler la fabrication des jus dits fungus. Ce jus dit gingembre, fabriqué à Gahahé, est brassé à l'aide des matières semblables aux viscères de différents animaux et quelques poudres non encore identifiées. La maison qui sert d'usine est située non loin d'un bistrot connu sous le nom de WhatsApp. Le propriétaire de cette unité de production s'y serait récemment installé après avoir été chassé de différentes autres localités, selon les autorités locales contactées par notre reporter Charles Makoto qui nous fait visiter les lieux. Les habitants qui avaient l'habitude de consommer ce jus gingembre à Gahahé sont en train de nous montrer les emballages en plastique. Certains portent la marque du bureau burundais de normalisation BBN, d'autres n'ont pas cette marque. Nous sommes à l'intérieur d'une maison d'habitation qui servait de brasserie à différentes pièces, différents rôles. L'une servait de lieu de mélange de différents produits, l'autre abritait des réservoirs en plastique et dans une autre pièce sont installés des appareils pour emballer des douzaines de bouteilles. Nous sortons de la maison. Des restes de matières premières utilisées dans cette brasserie sont entassés dehors, dans un petit sac, communément dit Kabusunzu, des produits pilés mélangés à des feuilles de plantes communément appelées chai chai commencent à fermenter. Ça dégage l'odeur du gingembre. Un peu à côté, tout près de la clôture, les foyers sont alignés. C'est ici qu'est chauffé le mélange de tous ces composants, comme l'indique la population. Parmi les composants saisis dans cette parcelle, une substance en poudre blanche non autrement identifiée, des graines à l'image de l'engrais chimique dit IRE, toutefois une goutte de miel au moment où l'emballage porte l'image du miel comme composant essentiel de cette boisson. Ce qui a bouleversé la population de Gahahe, une matière ressemblant à des graisses des entrailles animales et d'autres qui s'apparentent à des graisses de viande de porc, jusqu'ici conservées au poste de police de Ruiridi. Les policiers qui allaient du bâton nous montrent les morceaux, indiquent qu'il s'agit bel et bien des morceaux de viande de porc. Les administratifs culinaires de Gahahe affirment que le propriétaire de cette unité de production de jus s'est installé à Gahahe après avoir été chassé d'autres localités. Effectivement, Charles Makoto, le chef culinaire gahahé en zone Ruirizi de la commune Moutimbouzi, affirme que sa population, qui a vu les matières à base desquelles on brassait ses jus comme des viscères de porc, vit dans la panique, craignant pour leur santé. Massabano Frédéric demande à sa population de rester vigilante et d'informer à temps les administratifs pour une intervention rapide. Suivez-le, il est traduit en français par Placide Niyomwongere. Ça faisait un certain temps qu'on soupçonnait la maison et les activités qui s'opéraient à l'intérieur, comme quoi elle abritait une unité de transformation des jus appelée Fangas. Un certain soir, on a fouillé la maison. Nous y avons trouvé, comme on le disait, ce genre de jus. Mais ce qui nous a fort étonnés et surpris, c'est la matière douteuse à base de laquelle on brasse ces jus. Nous avons vu de nos propres yeux des viscères des porcs. Leur tonneau était plein de ces matières qui semblent des viandes de porc. En doute, la population s'est inquiétée de ces matières, s'interrogeant si la grande quantité qui était déjà sur place, déjà produite, serait brassée à base de ces matières que nous venions de surprendre. Et voilà le résultat de nos inquiétudes. Certains, dans une chaîne de poule, ont eu peur et redoutent déjà sur leur santé à cause de ces jus qu'ils consommaient à la normale le matin comme le soir. La population vit aujourd'hui dans une peur panique, arguant qu'après avoir constaté les matières premières de ces jus, c'est sans doute que leur santé est en danger. Depuis quand ils ont commencé à brasser ce genre de jus dans votre localité? C'est peut-être plus d'un mois qu'ils étaient à l'œuvre et la population, en collaboration avec les corps de sécurité, ont décidé de poursuivre et de créer les activités qui se font à l'intérieur de la maison en question. Et voilà, tout a été mis au clair. En tant qu'administratif, qu'allez-vous faire pour faire face à ce problème? À base des informations de la part de la population, c'est ce qui ne va pas dans le quartier. Dans notre pratique, nous menons des investigations pour distinguer le vrai ou le faux, afin de livrer l'information sûre à qui de droit. Des fois, la population dénonce les pots de vin que reçoivent certains administratifs qui font à leur tour sourde oreille dans la lutte contre la fabrication de ces jus. Est-ce le même cas ici à Gahahe? Les administratifs peuvent être corrompus, ça c'est sûr. Il n'y a pas de rose sans épines. Mais ici à Gahahe, resteront à leur côté, comme on l'a tenu même avant, dans le but de renforcer la quadrilogie. Seulement, nous leur demandons d'être vigilants, qu'ils restent nos yeux et oreilles, nous informer rapidement pour mener une lutte ensemble contre ces jus ou encore intervenir en temps. C'était le chef culinaire de Gahahe en zone Rubirizi de la commune Moutimbouzi, Massabano Frédéric. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Et au chapitre des réactions, l'association burundaise des consommateurs à Bukko se dit indignée par la fabrication continuelle des jus comme le Fangas ou Fungus. On ne sait même pas comment on se prononce ce mot. Cette organisation estime que les autorités concernées se sont lassées dans la lutte contre ces boissons. Noël Ngurunziza, l'un des représentants de cette association, dit que la question de ces jus est d'ordre sécuritaire. Selon lui, ces unités de transformation devraient être fermées. Il interpelle la vigilance des autorités habilitées. Oui, au niveau de l'Association burundaise des consommateurs, Nous exprimons un grand regret, encore une fois, de constater qu'il y a, je dirais, des unités de fabrication ou des individus qui continuent à fabriquer des jus, de sortes de boissons qui ne sont pas contrôlées par le Bureau burundais de normalisation. Nous avions longuement crié parce que ça représente un danger pour les consommateurs. Malheureusement, il y a eu un décélérement de l'analyse de cette situation. Il y a beaucoup de boissons, beaucoup de jus qui sont commercialisés, mais que certainement, ils ne sont pas contrôlés par le Bureau qui doit normaliser et contrôler ce genre de produits. Selon vous, pourquoi ce retard justement dans le suivi de cette situation? C'est regrettable de constater qu'il y a eu une absence de parfaite collaboration entre les acteurs impliqués. Il fait qu'effectivement, la situation continue malheureusement contre l'avis du consommateur. Les questions de sécurité des consommateurs, et donc ça concerne la sécurité du pays en général. Et l'Association burundaise des consommateurs n'a jamais compris ce délai de grâce qu'on donne à des gens qui sont en train de produire et de vendre des produits qui ne sont pas normés, qui ne sont pas contrôlés. On ne peut pas donner un délai de grâce parce que finalement, pour nous, il fallait plutôt suspendre la fabrication de ces produits, mais leur donner un temps pour qu'ils continuent à vendre des produits qui peuvent être dangereux pour le consommateur. Au niveau de la BOCO, on ne soutient pas. Nous lançons un appel aux trois catégories d'intervenants en cette matière et on commencerait par ces fabricants pour qu'ils sachent que, comme ils veulent gagner leur vie, il ne faut pas aussi détruire la vie du consommateur. Nous lançons aussi un appel au gouvernement pour qu'il puisse encore y mettre tout le paquet nécessaire afin de protéger le consommateur de ces produits. Le contrôle de la qualité, c'est parmi les activités qui doivent préoccuper le gouvernement, mais aussi la vie de la population. Et nous lançons en fait un appel à l'ensemble des consommateurs pour qu'ils songent à être des consommateurs avertis, à protéger et à se protéger. Noël Nkurunziza, un des représentants de l'Association burundaise des consommateurs à Boko. Et au Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité BBN, l'on indique que ces unités de transformation travaillent dans des conditions de clandestinité. Après sa rencontre avec certains producteurs de ces jus ce vendredi, Jean-Félix Karikuruwo, directeur de cette institution, projette une descente dans ces unités de transformation. Suivez-le. Dire que nous sommes au courant ou non, ça serait trop dire parce que toutes ces usines de fabrication travaillent dans des conditions clandestines et que nous sommes obligés de nous mobiliser aussi urgemment pour donc statuer sur le cas, analyser sur le terrain que cela existe. Mais techniquement quand même, la fermentation des viandes aboutissent à la structuration d'un produit qui ne peut pas être conforme à la consommation en tant que boisson. Raison pour laquelle il y a un scepticisme à y accorder, mais quand même, il ne faut pas nier cette polémique sans toutefois avoir descendu sur le terrain. On va le faire très urgentement pour donner la clarification à cet effet. Et le ministère du Commerce et celui de la Santé ont promis de s'exprimer sur ce sujet cet après-midi après des descentes qu'ils effectuent depuis ce matin. De son côté, le ministère de la Sécurité publique nous a déclaré qu'il interviendra sur le sujet dans nos éditions ultérieures. Mais la rédaction a eu également son mot à dire à travers son commentaire lu par Mireille Kanyang. Mieux vaut santé que fortune, dit un adage turc, un dicton qui devrait inspirer des Burundais qui consomment sans cesse différentes boissons fabriquées au Burundi et en particulier dans la ville de Bujumbura. La boisson portant le nom de gingembre gonfle différentes boutiques, aussi bien à Bujumbura qu'en province. Souvent, elle porte le logo du Bureau burundais de normalisation, ce même bureau qui affirme que certaines unités de production travaillent sans autorisation. Une interrogation persiste. Pourquoi de telles boissons continuent à envahir le marché burundais? Certaines autorités concernées par cette problématique se contentent de prolonger les délais pour que ces unités de transformation puissent se conformer en la matière, mais en attendant, ces unités, elles, ne cessent de fonctionner et dans l'entretemps, le consommateur ne cesse d'en prendre. Certains consommateurs disent étancher leur soif. Pour d'autres, c'est une cure pour la colonne vertébrale et pour d'autres encore, cette fois les hommes, c'est un stimulant sexuel. Des habitants affirment avoir déjà senti des douleurs au bas-ventre. Ils restent inquiets quant aux composants de ces boissons. Certaines organisations de la société civile ainsi que le ministère de la Santé se plaignent que de telles boissons ont des conséquences néfastes sur la santé humaine. De nombreuses inquiétudes surgissent alors. Où réside réellement le nœud du problème? Pourquoi la fabrication de ces boissons continue dans l'illégalité? Qu'est-ce qui manque pour que ne soient vendues sur le marché que des boissons certifiées? L'on ne saurait passer sous silence l'initiative prise par des instances habilitées de déverser certaines de ces boissons prohibées, notamment Kanyanga, Lingoneseri, Muraha, etc. Mais alors, quid du gingembre? Comprenez-nous bien, nous ne sommes pas contre ceux qui voudraient bien investir, loin de là. Nous ne disons pas non plus que le gingembre est en soi nuisible, non. Notre inquiétude réside sur la persistance dans la fabrication de telles boissons en dehors des normes requises. Il est grand temps que les concernés se ressaisissent. Nous citons notamment et nommément les ministères du Commerce, celui de la Santé et celui de la Sécurité publique, sans oublier le rôle de la population qui devrait être plus vigilante sur sa santé car qui maîtrise sa soif, maîtrise sa santé. Dit ce proverbe breton, à bon entendeur, salut. Merci Mireille Kanyangé, c'est sur ce commentaire de la rédaction que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je rappelle que cette édition était principalement consacrée à la fabrication clandestine et à la consommation de cette boisson dite gingembre ou fangas ou fungus. Et vous venez de l'entendre, le constat de la rédaction, c'est que l'autorité ne semble pas en être alertée outre mesure. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal. Merci à Eli Kadogo pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Ndouimana, un bon après-midi.